Et au menu de notre club, aujourd'hui une grande victoire pour les océans, la réputation sur le web, des routards du ciel et une nouvelle revue scientifique. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science, des nouvelles de la progression du frelon asiatique sur le sol français. Axel Villard, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Des travaux viennent confirmer la progression importante de l'espèce en France métropolitaine, mais proposent aussi des pistes pour riposter généreusement. Une chose est sûre, il va falloir s'habituer au frelon asiatique. Stéphanie Texier est aux commandes de ce club qui a été préparé par Emmanuel Fournier. La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Chalutage en eau profonde, irréputation des ailes pour la science et la revue Genius qui arrive donc dans les kiosques cet après-midi. Mes invités Claire Nouvian, Clémentine Bacry, Adrien Normier, Nathalie Darama et Camille Alloin. Bonjour à vous cinq. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Claire Nouvian, ça y est, l'Europe interdit enfin le chalutage profond. Sacrée victoire pour votre association Bloom. Ouais, c'est une énorme victoire. On a eu vraiment, il y a eu tellement de fausses alertes qu'on finissait quand même par avoir des doutes, mais ça y est, c'est fait. Ouais. Et franchement, c'est toujours fragile jusqu'à la dernière minute, donc ouais. Ça aurait pu être saccagé. On n'avait quand même pas les meilleurs alliés à la tête de la négociation. Hein. On avait la députée socialiste Isabelle Thomas qui a fait beaucoup de dommages et beaucoup de dégâts tout au long du processus. Et du coup, on est vraiment très reconnaissant envers notamment Yannick Jadot des Verts et Marielle de Sarnez, Younous Omarjee. Enfin, je vous dis pas le nombre de députés qui ont fait quand même du damage control. Quoi. Ils étaient là pour limiter le pouvoir de nuisance et porter la volonté citoyenne. Et on va en reparler avec vous, Clémentine Bacry, Adrien Normier. Vous avez décidé de vous battre, vous aussi, pour l'environnement d'une certaine manière, en parcourant la planète dans un avion ultra léger. Et tout ça, Clémentine Bacry, pour la science. Effectivement. Et alors nous, c'est le projet des ailes pour la science. Donc c'est aussi en lien avec l'océan. Donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup d'une manière différente. En fait, on est amené à survoler souvent les océans lorsqu'on participe à des missions scientifiques pour obtenir des données aériennes depuis le ciel. Et c'est ce qu'on raconte dans le livre Routard du ciel aujourd'hui. Voilà, c'est votre deuxième voyage. Et le prochain, c'est dans quelques jours, Adrien Normier. Ça y est, vous êtes déjà quasiment sur la piste de décollage. On repart mercredi soir. Au Chili pour récupérer le petit ULM amphibie. Et on vous envie. Camille Alloin, la réputation en ligne, c'est un phénomène dont on va parler avec vous. Ça monte en puissance ou pas ? C'est déjà bien installé dans les pratiques des organisations au sens large et puis aussi dans les pratiques, en tout cas moi, de pas mal de mes étudiants qui s'inquiètent énormément de savoir s'ils sont assez visibles et bien visibles pour trouver un emploi, ou aussi de la part de certaines associations qui peuvent aussi jouer sur la réputation pour obtenir, par exemple, des résultats médiatiques sur des causes à soutenir. Et c'est l'objet de vos recherches. Nathalie Darama, Genius Science, c'est une nouvelle revue qui arrive en kiosque. Votre promesse, c'est une autre vision de la science. Tout à fait. Rien oui. que ça. On espère divertir les lecteurs et leur faire découvrir la science autrement, avec un ton ludique, plus humoristique, et être accessible au plus grand nombre. Oui. On feuilletera les pages donc de ce premier numéro. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur latêteaucarré@radiofrance.com. La France, le pays d'Europe le plus touché par le frelon asiatique, à la une de la science aujourd'hui. C'est la terreur des abeilles françaises, le frelon asiatique. Il décime les ruches pour nourrir ses propres larves. Le frelon asiatique a connu une expansion fulgurante en France. Il est arrivé en 2004 dans le Lot-et-Garonne, sans doute dans un conteneur de poteries importées de Chine. Et l'implantation de ce frelon en France vient d'être analysée et modélisée par une équipe de chercheurs français. Des travaux publiés la semaine dernière dans The Journal of Applied Ecology que vous signez, Éric Darrouzet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes maître de conférence à l'Institut de recherche sur la biologie des organismes à l'Université de Tours. Depuis 2004, donc, vous traquez les nids de frelons avec l'aide des habitants. Quelle est justement l'aire de répartition de ces insectes, de ces grands insectes prédateurs, à l'heure où nous nous parlons ? Eh ben, leur aire de prédation, c'est l'Europe. En fait, comme vous avez dit au tout début, c'est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 2004. À l'heure actuelle, on a à peu près plus de 75% du territoire national qui est colonisé. Ah oui, quand même. Ah oui. Et c'est plus un simple problème français, parce qu'il y a d'autres pays européens qui sont touchés. On a le nord du Portugal, le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie. Et l'animal a été observé également en Belgique et en Allemagne. Comment est-ce qu'on repère un nid de frelons asiatiques, Éric Darrouzet ? Ah, malheureusement, par les lois du hasard. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, les gens tombent dessus. Alors souvent, ça peut poser problème si la colonie dans une haie et les gens sont en train de tailler leur haie. Ou alors on voit les arbres à l'automne, quand les feuilles des arbres tombent, et les gens repèrent des nids au sommet des arbres sans l'avoir vu au préalable. Comment est-ce Oui. Pour l'instant, on n'a pas de moyens réels pour les repérer, on va dire, de manière efficace. Comment est-ce que vous expliquez cette énorme progression depuis 2004? Vous notez 80 km par an, c'est très important comme chiffre. Ben, c'est lié tout simplement aux capacités de vol de l'animal, en termes de vitesse, de durée de vol et des capacités de vol sur une journée ou plusieurs jours. C'est lié à ces capacités-là, c'est lié également à la biologie de l'animal, c'est-à-dire des niveaux de reproduction assez élevés. Et donc vous vous servez de la population pour vous aider à traquer tous ces frelons, c'est ça? Alors c'est pas moi, ça c'est plutôt des collègues parisiens. Il y a un site qui est le site de l'INPN qui demande aux gens, dès qu'ils repèrent un nid, c'est de prendre en photo le nid ou prendre en photo les insectes, mmh, et de les envoyer sur ce site internet de l'INPN, où là ça permet d'avoir un suivi, si vous voulez, annuel de l'expansion de l'espèce. Alors ensuite, nous, on travaille avec la population pour d'autres aspects. Ça peut être pour étudier l'impact du frelon sur les ruchers, par exemple. On va travailler avec les apiculteurs en ce sens. Mmh. Ou parfois, par exemple ici autour de l'université à Tours, donc en Indre-et-Loire, dès que quelqu'un repère un nid qui est facilement accessible, c'est de nous contacter. Et nous, on peut venir récupérer la colonie vivante, mmh, pour travailler au laboratoire, pour d'autres études en biologie en l'occurrence. Vous parliez du rucher, mais est-ce qu'on mesure correctement l'impact réel sur toute la biodiversité de ce frelon qui est un gros prédateur? Alors le frelon asiatique, c'est un prédateur généraliste et opportuniste. C'est-à-dire que l'animal va chasser un peu tout ce qu'il peut trouver dans l'environnement. Alors on voit l'impact sur les abeilles, parce que les apiculteurs observent leur colonie et ils voient qu'il y a quand même un énorme impact, avec parfois des pertes de colonies complètes. Mmh. Mais ça, c'est le sommet émergé de l'iceberg. C'est-à-dire on voit des choses que l'on regarde. Au niveau de l'entomofaune, c'est-à-dire le reste des insectes, dans toute la biodiversité en insectes qu'on peut voir à côté, on n'a pas vraiment d'observation. On sait qu'ils sont chassés, mais on ne sait pas à quel niveau. Donc à l'heure actuelle, on mène des analyses pour essayer d'estimer l'impact écologique des colonies de frelons asiatiques, mais on n'a pas encore de chiffres. Mais d'après les premiers résultats, il y a quand même un sacré impact, oui. Alors justement, Éric Darrouzet, face à ce problème qui semble concerner maintenant quasiment toute l'Europe, est-ce que vous avez des moyens quand même de freiner la progression du frelon? Alors des moyens, là, au jour d'aujourd'hui, non, pas efficaces. Ouais. Comme on le disait à l'instant, la difficulté, c'est repérer les nids. Détruire un nid, c'est très facile. Ça, il y a plein de techniques pour y arriver. Mmh. Mais c'est le repérage du nid qui pose problème. Donc on n'a pas encore ce levier-là. Il y a un autre aspect, c'est le piégeage. C'est ce qui est couramment utilisé. Mais le problème, c'est que tous les pièges qui sont sur le marché à l'heure actuelle ne sont pas sélectifs. Donc ils ont un impact sur les autres insectes, au même titre que le frelon, en l'occurrence. Donc nous, on travaille sur la mise au point d'un piège sélectif, justement, pour lever ce problème. Mais le piège, bon, on a déjà mis au point un prototype qui est efficace, enfin, qui est très sélectif, mais maintenant, on travaille sur d'autres aspects pour le rendre beaucoup plus efficace. Alors, je pense qu'on pourra le mettre sur le marché, si je reste optimiste. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas avant deux ans, deux ans, trois ans. Comment est-ce que vous faites pour n'attraper que des frelons avec vos pièges? Alors, le design du piège est fait pour que, d'abord, les insectes vont rentrer dedans. Ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas se noyer dans l'appât. Et les insectes qu'on ne souhaite pas capturer ont l'opportunité de ressortir. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les appâts qu'on utilise, que ce soit des appâts à base de protéines ou à base de sucre, ne sont pas sélectifs. Ils attirent tout un parterre de divers insectes. Donc, un appât alimentaire ne convient pas. Donc nous, l'idée, si on veut rendre le piège encore beaucoup plus sélectif et encore surtout beaucoup plus efficace, parce que les pièges actuels ne sont pas vraiment efficaces, c'est de retirer l'appât alimentaire et faire un appât à base de phéromones dans des composés, des molécules volatiles qu'émettent les frelons pour communiquer entre eux. Et on étudie ce point-là à l'heure actuelle, c'est-à-dire trouver une molécule que va émettre un frelon qui va attirer ses congénères. Et dès qu'on aura mis au point cette molécule, on la met en appât dans le piège. Et là, on va attirer uniquement le frelon asiatique et en quantité. Et là, ça sera intéressant. Donc en attendant, Éric Darrouzet, il faut s'habituer à la présence durable, invisiblement, de cet insecte sur le territoire européen. Et donc je signale ces travaux que vous avez publiés la semaine dernière sur l'analyse et la modélisation justement de l'implantation du frelon asiatique. Merci pour vos explications, Éric Darrouzet. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et puis Axel, qu'est-ce qu'on se dit? Je crois que c'est bonnes vacances. Ben oui, bonnes vacances. Voilà. Donc reposez-vous bien et puis on se retrouve dans deux mois pour la Lune de la Science et pour la rentrée de la Tête au Carré. Merci, à bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des dessins anatomiques datant du XVIIe siècle retrouvés dans les réserves oubliées de la Bibliothèque universitaire de santé à Paris, issus de la main de maîtres hollandais. Ces 253 dessins répartis sur 4 volumes sont un trésor d'art et de science qui devrait rapidement exciter la curiosité des historiens de l'art, mais également ceux de la médecine et de la science. La bibliothèque publie sur son site les numérisations effectuées pour authentifier ces originaux. Vous pouvez visiter notre page Facebook pour découvrir ces documents qui devraient être prochainement restaurés avant d'être exposés. D'immenses aurores au pôle de la planète Jupiter viennent d'être capturées par le télescope Hubble. Ces volutes très lumineuses et grandes comme plusieurs fois la Terre sont visibles dans l'ultraviolet. Elles sont dues à la rencontre de particules de haute énergie issues des vents solaires qui pénètrent l'atmosphère et entrent en collision avec les gaz qui la composent. Cette observation a été rendue possible par l'approche en ce moment même donc de la sonde Juno de la NASA qui devrait atteindre l'orbite de Jupiter dans le courant du mois de juillet. La photo recomposée de ces aurores est visible elle aussi sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour finir, si vous passez en Avignon cet été, notez la date du 18 juillet sur vos tablettes pour y voir la pièce Irrépressible de Kevin Case, tout entière consacrée au thème de l'addiction. C'est le 6e spectacle issu des rencontres binômes de l'INSERM qui associe des scientifiques et des gens du spectacle, écrit à la suite de sa rencontre avec la chercheuse Perrine Roux qui travaille à la réduction des risques liés aux conduites addictives. Vous pourrez donc découvrir ce spectacle de Kevin Case. Il est gratuit, mais attention, c'est dans la limite des places disponibles. Il faut vous inscrire donc pour le 18 juillet en allant sur binome.reza@gmail.com. L'adresse est en lien sur le site de la Tête au Carré. Allez, le club dans un instant. Albatros à l'instant. La tête au carré. Le club. Sur France Inter. Et dans le club aujourd'hui, donc une victoire pour les océans, la réputation sur le web, les routards du ciel et une nouvelle revue scientifique. Et bien sûr, vos messages, la tête au carré, @radiofrance.com. Claire Nouvian, on commence avec vous parce que eh bien vous faites l'actualité. On a appris la nouvelle hier. Il y a du sourire sur votre visage, également du soulagement après cette longue bataille menée avec votre association Bloom contre le chalutage profond. L'Europe l'a interdit hier et ça représente 8 années de combat. Oui. Enfin, même un peu plus, mais 8 années de combat au quotidien. Ouais. Et de sacrifices, c'est clair, pour une équipe, une petite équipe, parce qu'on est vraiment pas nombreux. Les gens s'imaginent toujours qu'on a vachement d'argent. Non, on manque vraiment d'argent, donc on manque de moyens humains. Et on n'a pas eu le temps de lever de l'argent parce qu'on a fait que bosser comme des brutes. Mmh. On s'est battu sur chaque balle et on a gagné, y compris vraiment sur toute cette désinformation massive, hein, scientifique, qui a eu lieu pendant des années. Enfin, vous vous souvenez de tout ça? Et voilà, donc je rends d'abord hommage à mon équipe qui est vraiment formidable. Ils me bluffent, ils sont jeunes, intelligents et hyper motivés. Et ça fait juste du bien de voir des gens qui se battent pour l'intérêt général. Et puis aussi tous les députés, les chercheurs, les politiques qui se sont battus contre ce qui a été quand même longtemps un blocage de la France, avec qui faisait quand même tapis rouge à des lobbies industriels qui pèsent rien en réalité économiquement, qui étaient subventionnés. Donc tout ça est allé contre le bon sens, contre le bon sens économique, c'était un non-sens écologique. Enfin, tout ça aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Ouais. Et donc il a fallu déployer une énergie de malade mental pour obtenir en fait un truc qui est une évidence. Hein. Ouais. Arrêter de labourer les grandes profondeurs marines, ça paraît évident. Donc c'est 4 années de procédure législative, 4 années supplémentaires justement contre ces lobbies très très puissants. Ouais. Et où est-ce que vous avez puisé toute cette énergie? Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. On croyait d'ailleurs que l'interdiction allait être donnée là il y a quelques semaines, et puis hop, finalement non. Donc c'était sans arrêt des montagnes russes pour vous. Hein. Oui, c'était des montagnes russes, et surtout, en fait, c'est vraiment la dose de travail qui est dingue, hein, quand on y pense. Enfin, ce qu'on obtient, c'est génial pour nous, et puis on rend vraiment hommage aux citoyens, parce que c'est en effet Pénélope Bagieu, quand elle a mis en ligne sa BD qui racontait ma conférence TED, quoi. Mais elle l'a racontée avec humour, elle osait mettre des mots rigolos et que ça a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux, tous ces citoyens, près de 900 000 qui sont venus signer notre pétition, c'est ça. Mmh. Et vous, les médias, ceux qui ont enfin envie d'avoir un petit peu de bon sens et de faire place à la raison plutôt que de faire écho à des intérêts privés, des groupes de pression privés très très pressants. Et bien c'est cette intelligence citoyenne collective qui a eu raison en fait de quelque chose qui quand même n'aurait jamais dû avoir lieu et deux aurait dû être interdit depuis très longtemps. Donc c'est vrai que c'est une immense victoire pour nous. Qu'est-ce que vous avez obtenu exactement? D'une façon très nette, pour nous, la mesure la plus importante, c'était cette interdiction du chalutage profond. La méthode de pêche qui, en effet, consiste à tirer des énormes filets qui sont lestés et qui vont labourer les fonds marins, qui arrachent tout sur leur passage, qui broient des coraux qui sont multimillénaires, qui écrasent les éponges, qui attrapent tous les poissons qui s'y trouvent, y compris des espèces qui sont menacées d'extinction. Cette aberration absolue, c'était une évidence qu'il fallait arrêter ça et que cette mesure-là était la mesure la plus efficace pour protéger des écosystèmes qui sont très vulnérables parce que au-delà de 800 mètres de profondeur. Alors c'est ça, c'est 800 mètres. C'est 800 mètres, mais jusqu'à 2000, on allait pêcher et on va pêcher encore et jusqu'à ce que le règlement soit mis en œuvre, il n'y a aucune obligation légale qui puisse empêcher les navires d'aller pêcher et d'aller tout détruire. Ils ont le droit de le faire, c'est quand même fou, hein. Et bien voilà, c'était contre cette aberration qu'on se battait. Et donc ça, c'est une mesure archi efficace pour protéger les écosystèmes. Ouais. Après, il y a tout un dispositif. Par exemple, ça paraît complètement dingue, mais si aujourd'hui un bateau avait la preuve qu'il passait à travers un champ de corail, multimillénaire, avec des espèces incroyables, etc., il n'avait aucune obligation légale non plus, un, de le signaler, et deux, qu'on ferme la zone à la pêche, ça paraît évident. Et bien ça, c'est une chose évidente qui, enfin, va avoir lieu avec le nouveau règlement. Alors c'est ça, donc le futur règlement pêche profonde remplacera celui de 2002, c'est ça, hein, sur, évidemment, tous ces défauts, règlement absolument inadapté aujourd'hui, hein, par rapport à la situation. Oui, c'est une coquille vide. Ouais. Ouais. Clémentine Bacry, attention, vous avez une avocate en face de vous, elle peut vous soutenir. J'adore les avocats. Je vais juste vous féliciter d'abord. Et sinon, maintenant que vous avez réussi ce grand combat, c'est une super victoire. Quel est le prochain défi? Ah non, là, ils ferment la boutique, là. Hein. Vous fermez Bloom et vous partez en vacances. Non. Alors, on va peut-être d'abord faire une grosse fête ce soir. Ensuite, dormir. Au mois d'août, on va dormir. Mais bon, on a quand même quelques échéances pressantes. D'abord, il y a la loi Sapin. Hein, on en parle quand même pas mal de la loi Sapin 2. Il y a un article 13 dans cette loi Sapin qui propose d'encadrer les activités des lobbies. Et en fait, clairement, pour nous, c'est une espèce de la mère des lois. C'est celle qui va en effet permettre de savoir qui influence la décision publique. Et on voit bien que nous, notre combat sur la pêche profonde, c'est un combat qui est vraiment symbolique. C'est devenu le symbole, un des symboles de la malveillance de certains élus, malheureusement, qui ont quand même comme mission noir sur blanc de protéger l'intérêt général. C'est leur code de conduite, c'est leur engagement. Évidemment, ils passent leur journée à faire tapis rouge à des lobbies industriels, à la pétrochimie, aux pesticides, etc. On le voit tout le temps, l'interdiction des néonicotinoïdes. Vous avez bien vu l'affaire, c'est quand même juste à s'arracher les cheveux. Donc il faut savoir qui influence la décision publique. Et donc on s'est beaucoup engagé simultanément sur l'article 13 de la loi Sapin, parce qu'il y avait tellement de sujets dans cette loi Sapin l'article 13 a été un petit peu délaissé. Donc ça, c'est un gros combat pour nous. Les subventions publiques, quand on enlève les subventions qui sont nocives à la biodiversité, on va régler un gros problème des pêches au niveau français, au niveau européen ou mondial. Donc c'est un gros sujet. Puis très concrètement, dans le texte, le règlement européen qui encadre la pêche profonde proposait, le Parlement avait proposé toute une série de mesures qui obligeaient les nations à gérer la pêche profonde de façon durable. Tout ça, ça a été saccagé par le Conseil, parce que le Conseil, c'est les États membres. Et les États membres, ils fixent les quotas de pêche. Et ils n'avaient aucune intention de limiter leur pouvoir. Et notre mauvaise rapporteure, donc Isabelle Thomas, malheureusement, la socialiste, et je le dis, parce que c'est très important de comprendre le pouvoir de nuisance d'un individu à l'intérieur d'un dispositif politique. C'est vraiment très regrettable. Eh bien, elle a tout de suite vendu la peau en fait du règlement en acceptant immédiatement le saccage qui avait été fait par le Conseil. Donc aujourd'hui, le règlement est bien pour protéger les écosystèmes, pour protéger les habitats marins, le relief sous-marin, mais il ne fait pas le job d'un point de vue de la gestion durable de la pêche. Donc les quotas de pêche là, qui arrivent en décembre 2016 pour les espèces profondes, on va attendre les nations au tournant, je peux vous dire, parce que puisqu'ils ont refusé de mettre des éléments de langage très forts pour gérer les pêches de façon durable, ils ont intérêt à être au rendez-vous quand il va falloir un peu réduire les quotas de pêche profondes. Vous avez été très soutenu, Claire Nouvion, par les citoyens, vous l'avez dit, qui ont mis la pression aussi sur les supermarchés, sur l'agroalimentaire, concrètement. Oui, et puis en fait, moi vraiment, je dis, d'abord, 900 000 signatures, ça avait été une espèce d'événement incroyable, parce qu'on n'est pas passé par une plateforme professionnelle. C'était des gens qui sont venus voir le site de Bloom Association, qui ont signé comme des grands grâce aussi à Pénélope Bagieu. Merci aux citoyens. Et juste, je vous dis, il est interdit de désespérer. Il est interdit de dire que de signer des pétitions, ça sert à rien. En fait, il nous reste quoi? Ça, il nous reste les pétitions, les manifestations, les tweets qu'on peut envoyer aux politiques, les mails qu'on peut envoyer et les médias. C'est la seule façon qu'on a, avec toute notre bonne foi, notre transparence et la science derrière nous, de gagner nos combats. Donc, interdit de désespérer, soutenez les ONG. Évidemment, leur donnant de l'argent, ça aide quand même aussi. Mais en faisant un écho à leurs actions, c'est évident. Et on voit le travail mené par les associations aujourd'hui. On le voit également avec L214 dans le domaine des abattoirs, qui est encore dans l'actualité aujourd'hui. Donc, on voit que ça marche et que c'est là, au fond, qu'on peut agir concrètement sur ce genre de situation. C'est le seul contre-pouvoir qu'on a. Nous, on occupe le terrain politique et les magouilles politiques, mais il faudrait 4 émissions de 12 heures chacune pour pouvoir raconter le cynisme politique dont on a fait l'expérience. Donc, les associations, il faut les doter, il faut leur donner. Moi, je pense qu'il y a une délégation de pouvoir. On ne peut pas se battre sur tous les sujets. Alors, on délègue nos pouvoirs aux associations et on compte sur les médias. Et voilà. On vous remercie tous de parler de nos combats. Et on entend votre énergie, Claire Nouvion, donc avec ce succès depuis hier, donc annoncé par l'Europe Interdiction du chalutage profond au-dessous de 800 mètres. Vous restez avec nous pour écouter nos camarades routards du ciel, des ailes pour la science. C'est dans un instant. It's a long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you, comme moi je vous aime. I love you, do you love me, do I love you, do I love you. I don't know, do you know how much I care of you, I do so même je ne sais pas si je suis clair. Une what, don't you see, don't you feel it in the air. It is me, les amis, and I'm ready to declare. I love you, do you love me? Do I love you? Do I love you? Do you love me? Do I love you? Do I'm not sure, mon amour. Je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle court. Je ne sais pas si je peux la croire. I'm not sure, ça c'est sûr. Que tu m'aimes et puis c'est tout. I'm not sure, mon amour. D'avoir toujours rendez-vous. Bingé qui m'aime, mais nous nous étirons. Vilons à mes. I love you. Bingé qui m'aime, mais nous n'aimons mon biporo soué. I need you. I love you. I love you. I love you. Mathieu Bogart, c'est Blake Bassi, I love you, dans ce club des têtes au carré. Clémentine Bacry, Adrien Normier, vous publiez ensemble aux éditions Le Pommier le récit de vos aventures autour du monde en avion ultra léger. Ça s'appelle Un ULM, tout simplement. Un ULM, exactement. Voilà. Et ça s'appelle Routard du ciel, des ailes pour la science. Clémentine Bacry, vous êtes avocate, Adrien Normier, pilote de ligne, et vous avez pris 2 ans là encore de congé. Quand est-ce que vous travaillez finalement? Alors là, ce livre, c'était une longue aventure de 14 mois, 2012-2013. Mmh. Et là, on est reparti avec l'ambition de 3 années. Ouais. En fait, on fait une petite interruption. Là, ça fait 6 mois qu'on est reparti de Sao Paulo. Ouais. On revient pour 10 jours, juste pour vous parler de ce bouquin, voilà, Routard du ciel. Remplir un petit peu les caisses et puis repartir dépenser votre argent. Alors, c'est pas notre argent, c'est celui de nos sponsors et partenaires. Ouais. Et on repart là, donc on a encore 2 années et demie ah, de oui. route au service de projets scientifiques locaux aux quatre coins du monde. Ouais, donc Clémentine Bacry, ça y est, là, c'est le 6 juillet. Donc, direction le Chili, c'est ça? C'est ça, on repart au Chili. On a laissé l'ULM sur place. Donc, depuis qu'on est parti, ça fait 6 mois, ouais. Brésil, Argentine, Chili, et là actuellement on travaille sur un projet dans le sud du Chili avec les dauphins chiliens. Voilà, alors quelle est justement l'origine de ce projet pour vous, dont je le disais tout à l'heure, hein, l'idée est d'aider les scientifiques du monde entier. Au fond, vous arrivez avec votre ULM et vous leur dites, bah, si vous avez besoin d'un avion pour aller vérifier certaines informations, on est là pour vous, c'est ça en gros l'idée? Alors, l'objectif est de collaborer effectivement à des projets de recherche qu'on trouve passionnants. Il y a plein de thématiques, il y a plein de, comme le disait Claire juste avant, il y a énormément de scientifiques qui s'intéressent à des thématiques qu'il faut défendre. Il y a plein de causes à défendre. Mm-hmm. Et pour ça, il faut de la science, il faut ouais. des informations. Et donc, on vient, nous, avec le petit ULM, pour abonder dans les recherches d'informations pour pouvoir ouais. les aider à défendre toutes ces causes. Ça pourrait aider Bloom, d'ailleurs, un ULM, Claire Nouvian, ou pas? Pour aller surveiller un peu ce qui se passe en mer, là. En mer, ouais, sur les pêches profondes, peut-être pas, mais aller surveiller quelques activités de bateaux, ça peut ouais. être une bonne idée, ouais. Ouais. Adrien, on découvre d'ailleurs souvent des bateaux. Et il y a parfois d'ailleurs des comment on appelle ça, des dégazages illégaux, et dans ces cas-là à chaque fois on les souligne. Ouais, on découvre sûr. Beaucoup de choses depuis le ciel, malheureusement. Ouais. Ouais. Et la découpe des ailerons de requin ou non. Adrien Normier, lorsque votre avion est en état de marche, parce que vous avez eu des sacrées surprises, hein, vous le racontez dans cet ouvrage, ben ça fonctionne bien évidemment. Vous allez donc rencontrer les scientifiques, vous prenez contact avec eux longtemps à l'avance. Comment est-ce que vous êtes au courant des lieux où vous allez vous rendre et des équipes avec lesquelles vous allez pouvoir collaborer? Alors, deux choses. On fait un appel à projet en amont d'une grande session et d'une grande durée. En amont, voilà, une année de vol. On va dire, on va voir à peu près ces zones géographiques dans lesquelles on peut intervenir. Mm-hmm. Si vous avez des thématiques pour lesquelles un appui aérien peut changer le point de vue que vous avez sur votre recherche. C'est-à-dire vraiment apporter un nouveau regard et donc amener un développement rapide de votre compréhension, eh bien, on peut vous aider. On fait passer cet appel à projet, on a un premier round de retour, mmh. on analyse. Là-dedans, on va chercher nous des projets qui, sur lesquels on a vraiment une capacité de game changer. De quoi Non, parce que le site est en anglais, hein, donc il faut traduire voilà, aussi. Non, sur lesquels on a vraiment une capacité à changer le schmilblick et à le faire avancer. Ah ben voilà, là exemple, je comprends. Exemple, des archéologues qui bossent sur un site qui n'ont jamais eu la moindre photo aérienne de leur site. Là, on sait, c'est pas compliqué, on va se pointer sur le lieu et soit sur place, soit à 500 mètres de là, on va trouver des éléments qui vont vraiment abonder, dans ce sens. Et bon, une fois qu'on a fait cette première présélection, eh bien, on part et en fait, au fil de ces vols, on est systématiquement contacté par des projets locaux qui entendent par le bouche à oreille parler de notre truc. Donc vous laissez aussi le hasard faire son œuvre et une fois sur place, vous avez souvent des contacts qui émergent comme ça de façon spontanée. On va partir sur l'île de Samos en Grèce parce que vous avez fait justement un petit périple par là-bas. De retour à Samos, nous montrons les résultats à Anastasia. Comment s'est passé votre vol ? Visibility was clear, so we took many, many pictures. Excellent. All the area you show me. You want to see? Yes, please. Yes. Ah, excellent. This is excellent. On distingue bien sur les photos les limites des herbiers. So, I mean, with all of this that you have in your shots, we can really see. L'activité humaine, les constructions, la pollution affecte toutes ces zones. Okay. So, human damage that leads to erosion by constructions or by pollution or other activities first affect the shallow zone. Let's do it. Okay. Okay. Anastasia et son équipe doivent désormais analyser tous ces clichés en détail et relier les résultats à leurs travaux sur le terrain. Après avoir survolé d'autres zones pendant plusieurs jours, nous devons quitter ce petit coin de paradis pour voguer vers de nouvelles aventures. Voilà, un exemple parmi tant d'autres autour de la Posidonie, hein, parce que c'était ça l'objet de ce travail là en l'occurrence. Oui, c'est ça, on était à Samos en Grèce avec l'équipe d'Archipelagos, une équipe d'océanographes qui travaille sur la protection de la Posidonie qui est en fait un herbier marin. C'est un élément qui participe à la protection de la biodiversité, qui est très important et qui est malheureusement abîmé par les chalutiers et par les hôtels qui en fait le rasent parce que ça permet d'avoir du sable blanc qui est beaucoup plus agréable pour les touristes, sauf qu'en fait ça entraîne des dégâts qui sont souvent irréversibles. Et donc on s'est chargé de faire une cartographie, donc simplement des photos aériennes de toutes les îles grecques pour pouvoir déterminer les endroits où la Posidonie avait été massacrée et où il fallait mieux la protéger. Alors, toutes les îles grecques du côté de Samos, hein, oui, parce qu'il y en a beaucoup d'îles grecques. Oui, c'est ça. Et là, l'idée, c'est d'être un véritable accélérateur pour les scientifiques, parce qu'avec votre aide, du coup, ils vont beaucoup plus vite aussi dans leurs travaux. Bah, là, ils cartographiaient avec des zodiaques cette zone-là pour avoir une idée de l'état des herbiers marins. Et donc bah, là, de l'air jusqu'à 15 mètres de fond à peu près, on arrive à identifier très clairement les zones où la Posidonie est en état et les zones où elle était enlevée, arrachée par des ancres ou ce genre de choses. Alors ces vidéos justement et ces photos, hein, on peut les voir sur votre site wingsforscience.com, hein, ce qu'on vient d'entendre, merci de souligner. C'est un extrait justement des films que vous avez tournés. Vous restez en lien justement beaucoup, vous utilisez les réseaux sociaux aussi pour qu'on puisse vous suivre pendant tous vos périples. Bien sûr, on a les réseaux sociaux, toujours Wings for Science sur Facebook, sur Twitter, sur mail, il y a une newsletter aussi. Ouais. On s'y connecte dès qu'on peut, dès qu'on a internet pour donner des nouvelles. Donc l'appel est lancé là pour de nouveaux scientifiques à travers le monde ? L'appel est toujours lancé en fait, ouais. L'appel est toujours actif, on en a fait un déjà avant le départ qui a permis d'agréger beaucoup de réponses. Maintenant l'appel est toujours en ligne pour que justement d'autres puissent nous contacter et puissent être sélectionnés pour qu'on puisse venir les rejoindre. Là en ce moment, si vous travaillez sur une thématique intéressante à laquelle on peut apporter quelque chose au Brésil. Ah ben tiens, ça nous intéresse. Eh ben écoutez, l'appel est lancé, on a certainement des auditeurs là-bas. Avec l'Indonésie, vous avez quel projet exactement? Parce que là, on voit aussi comment vous pouvez intervenir dans un certain nombre de projets scientifiques. En Indonésie, c'est un archipel où il y a beaucoup, beaucoup de volcans, qui est sur une plaque importante. Et en fait, on travaille avec des volcanologues sur place pour étudier les émissions de gaz qui sortent de ces volcans actifs, et notamment du dioxyde de soufre. Voilà, donc on a dans ces cas-là des capteurs qu'on met à bord et qui permettent d'effectuer les prélèvements. Alors c'est sur l'aspect purement vol aéronautique, c'est assez technique de survoler un volcan actif avec un monomoteur un peu petit, mais ça se fait bien et en s'y prenant avec beaucoup de précautions, ça fonctionne. Vous avez croisé des dragons de Komodo en Indonésie aussi ? Effectivement. Ouais. Alors ça, très rapidement, c'était on a violé mon imaginaire du documentaire. Alors, c'était pas du tout une collaboration scientifique. En fait, on a saisi l'opportunité de ce vol le long de l'archipel pour se poser donc du côté de Rinja, là où on trouve ces dragons de Komodo. Et on nous avait raconté, enfin, on avait vu sur les docus de National Geographic des animaux qui se battaient. Oui, qui étaient très féroces. Très féroces, très agressifs. Donc on se dit, bah, ça va être sympa, on fait un petit docu pour les enfants là-dessus. Et nous voilà, après avoir passé 2 jours à suivre des espèces de gros lézards complètement neurasthéniques qui faisaient des siestes au soleil, on a appris finalement qu'en fait, les pratiques de nos confrères qui s'occupent de tourner des documentaires peuvent être un peu limites. Puisque, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Bah, par exemple, ils s'arrangent avec les gardes du parc national pour avoir des poulets en avance, mettre 2-3 dragons dans des cages pendant 3-4 jours, et puis ensuite, ils pendent un poulet au bout d'une corde, ils ouvrent les 2 cages de 2 dragons, les dragons, ils veulent aller manger le poulet, et puis du coup, voilà. Comme le poulet est hors champ, on le voit pas, et les 2 dragons se donnent vraiment des coups de patte sans grande conviction. Donc dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile de les croiser, en fait, c'est ce que vous voulez nous dire? Alors, pas difficile de les croiser, mais de les voir se battre. Voilà, mais en fait, on les croise jamais en action. Oui. C'est-à-dire que c'est des gros lézards, quoi. C'est pas du tout des... le mot dragon est un peu galvaudé, parce que c'est pas du tout aussi féroce que ce qu'on imagine. Ouais. Vous avez eu des soucis en Australie, je crois, quand vous êtes arrivé et que vous avez découvert l'état de votre avion. Ça vous a retardé quoi, de 2 mois sur le périple? Ça a été assez terrible. Alors en fait, pour la traversée du Pacifique, on l'a fait en conteneur. On n'a pas pu la faire en vol parce que c'est un océan beaucoup trop grand pour nous. Avion cargo, donc c'est du ça. Coup. Et en fait, en arrivant sur place, donc c'était dans un conteneur qui était scellé et qui normalement aurait dû être ouvert par les douaniers ensuite à l'arrivée sur place sur le territoire australien. Et en fait, quand on est arrivé pour récupérer le conteneur, eh bien, il avait été ouvert. Et les ailes, qui sont des ailes en composite, donc extrêmement fragiles, il faut imaginer que c'est une toute petite machine, hein, c'est pas du tout quelque chose de très imposant, eh bien, il y avait des énormes traces de pas. Et les Australiens sont pas des gens petits. Donc c'était du 48, des énormes pieds, quoi. Pour la précision. On était terrifiés. Et alors, le problème, c'est que on voyait ces traces de pas, et donc on a tout de suite appelé le constructeur pour savoir ce qu'il fallait faire, et il nous a dit, bon, bah, alors malheureusement, c'est du composite. Donc en fait, on ne peut pas savoir s'il y a des dégâts, c'est-à-dire que même si à l'apparence, si en apparence, ça paraît propre, ça peut tout à fait être délaminé dans les couches inférieures qu'on ne peut pas voir, donc vous pouvez pas redécoller. Donc on a fini, coup de peau incroyable, par récupérer un gars de l'usine qui fabrique l'ULM. Qui était en vacances en Australie, c'est ça? C'est ça, un Slovène. Exactement, et alors lui, on a passé une journée à tap-tester l'aile, donc avec un petit instrument, pour écouter avec la résonance que fait le matériau, s'il y avait des délimitations en dessous. On a passé donc un peu plus d'une journée avant de dire... C'est bon, on part voilà, mais on a quand même eu, on a quand même une bonne étoile parce que rencontrer un Slovène qui est spécialiste du composite en vacances en Australie au moment de... C'est ça. et qui en plus a pu après avoir fait l'analyse découvrir qu'il n'y avait aucun problème et qu'on a pu redécoller, on a une bonne étoile. Quand même. Voilà, et vos aventures, vous les racontez donc dans ce livre « Routard du ciel, des ailes pour la science ». C'est le 2e volume justement, Clémentine Bacry et Adrien Normier, avant de repartir donc le 6 juillet. Vous avez des séances de dédicaces hein, juste avant à Paris. On voit ça sur votre site internet de toute façon, oui, les dates y sont. Wings for Science. C'est ça, lundi, mardi et mercredi soir, séance de dédicace avant de repartir autour du monde. Allez, vous restez avec nous, on va étudier la e-réputation dans un instant. Ça sent les vacances. Merci à Thierry Dupin de nous avoir programmé Holiday Madonna à l'instant. La tête au carré. Le club. Camille Lalouin, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'IAE de l'Université de Poitiers et vous publiez e-réputation, médiation, calcul, émotion aux éditions du CNRS. Vous avez également un blog sur cette question? Tout à fait, depuis un certain temps, oui. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Qu'est-ce réputation. Ouais, la réputation est-elle soluble dans le numérique? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question exactement? Et ben en fait, parce que à la fin de mes études, il y a un peu plus de 8 ans, c'est un des premiers jobs que j'ai trouvé dans une agence. C'était de gérer la réputation des entreprises. Et bon, j'ai pris le travail en me demandant ce que c'était. Ah oui, donc c'est un travail à part entière. Tout à fait. Ouais. Et donc j'ai découvert ça. Et peu à peu, je me suis interrogé sur les pratiques qui étaient proposées, sur aussi les budgets qui étaient prêts à investir certaines organisations. Et quand je dis organisation, c'est pas que commercial, hein, c'est au sens très large. Pour justement gérer quelque chose qui, de mon point de vue, est en quelque sorte un non-objet, puisque la réputation, ça reste en partie cognitif, ça reste dans la tête des gens, hein, des opinions, des choses qu'on pense. Et donc j'ai commencé à vouloir pousser plus loin après en faisant une thèse de doctorat en me demandant voilà comment se créer en fait une économie de la réputation. Oui, c'est et ça, ouais. Qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour les organisations mais aussi pour les usagers du web de manière générale. Et comme on le voit déjà depuis le début de l'émission, nombre de fois le terme réseaux sociaux ont été cités, etc., etc., qui a quand même aujourd'hui un usage quotidien ordinaire du web. Bien sûr. Et que la réputation, qui reste, on peut en discuter à définir, qui est un objet encore assez flou et quand même assez central pour pas mal d'individus, d'organisations, même de plateformes que l'on utilise au quotidien, Twitter, ouais. Facebook, Amazon et j'en passe. Ouais. Donc vous parlez d'un non-objet, mais oui. Pourtant, effectivement, certaines entreprises mettent de l'argent pour se soucier de leur réputation, hein, c'est ça? Parce que ça a un impact économique très important. C'est ça. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que l'impact économique est difficilement évaluable, sauf dans certains cas assez classiques comme les hôtels, hein, où on sait très bien, puisque c'est bientôt les vacances, on va tous pouvoir regarder des sites pour sélectionner son hôtel. Bien sûr. Et bien évidemment, les critiques vont influer fortement sur le choix. Mais moi, en fait, c'est la réputation, et puis aujourd'hui, dans mes recherches, d'autres objets, notamment les émotions qui m'intéressent, parce que c'est effectivement des choses qu'on peut pas délimiter clairement, hein. On peut pas dire ce que c'est clairement une réputation. Pourtant, vous avez aujourd'hui une norme AFNOR qui est en train d'être créée sur la réputation en ligne. Vous avez énormément de prestations, vous avez des logiciels, vous avez des prestataires, vous avez des formations qui sont faites pour protéger votre réputation en ligne. Mmh. Bref, il y a toute une, moi je parle même limite d'une industrie qui se construit autour de cette question-là, sans que pour autant on puisse clairement délimiter l'objet, pouvoir mettre. Mais là, on a un exemple extraordinaire avec Claire Nugent et son association Bloom, lorsqu'elle demande aux citoyens de mettre la pression sur certaines enseignes de l'agroalimentaire. Oui. Ça ne doit pas du tout amuser les services marketing justement de ces grands groupes. Hein. Mais en fait, ce qui est surtout rigolo avec notre campagne, c'est que nous, on est quand même, je rappelle, très très peu nombreux, donc ça s'est fait naturellement. Mais vous avez les citoyens avec vous. Les citoyens, on leur a pas dit allez mettre la pression à Intermarché. En fait, naturellement, quand on leur disait la flotte d'Intermarché qui a changé, hein, rendons-leur hommage quand même, qui a changé ses pratiques, mais sous pression citoyenne, ils sont allés spontanément s'exprimer sur le mur Facebook, sur les comptes Twitter, ils sont allés en magasin. Et donc là, pour le coup, c'est devenu un objet. Ils ont eu une crise de e-réputation, on a découvert le terme à cette occasion, qui a été étudié dans des facs, et on a découvert qu'on était l'objet d'études. Exactement. Je présente à mes étudiants. Alors, parlez-nous de ce cas précis. Plus ou moins en termes de communication d'influence, parce que c'est plus le côté d'avoir ciblé effectivement une enseigne, ce qui donne quand même, ce qui a donné aux gens quelque chose à viser en fait, qui était aussi connu, hein, c'était profiter de la réputation mine de rien d'une enseigne pour pouvoir faire en quelque sorte levier, hein. Et c'est intéressant comme cas puisqu'on est typiquement dans tout ce qui aujourd'hui attire l'attention dans le web, hein, parce que moi j'ai tendance à voir toutes ces questions de réputation, d'indicateurs, du nombre de likes, de retweets, etc. comme un moyen d'orienter l'attention. Et là c'est vrai qu'on était avec une blogueuse qui avait déjà une certaine visibilité, qui a effectivement fait un très bon dessin, enfin une très bonne BD, une mini BD. Puis après on est rentré dans les mécanismes classiques des plateformes, hein, type Facebook. Hein, je partage, donc les amis de mes amis sont mes amis. Donc si je like, je vais le voir. Plus tous les, on va dire les algorithmes, les programmes affinitaires de Facebook qui vont permettre de présenter aux gens qui avaient déjà une appétence pour ces sujets-là le thème. Et effectivement, on est arrivé au fait qu'Intermarché, en fait, Je pense que, enfin, Intermarché, n'importe quelle autre marque, ça les affole, parce que c'est aujourd'hui les organisations, d'ailleurs même politiques ou autres, on le voit, sont assez affolées quand on voit des millions de vues sous une vidéo, quand on voit des centaines de milliers de partages sur un post, etc. Et ils ont des difficultés à évaluer, on va dire, quel pourrait être l'impact hors web de ces, de ce type. Concrètement, de... combien de personnes ne vont plus acheter complètement. Et alors là, c'est assez... leurs aliments dans cette enseigne, parce que justement, on sait qu'il y a le chalutage profond qui était pratiqué, en tout cas. Alors, moi, de mon point de vue, parce que là, on part un peu sur un autre débat, mais c'est intéressant, c'est de dire qu'au final, ce type d'action, hein, de soutien, il faut pas le réduire juste à j'ai cliqué sur un bouton ou j'ai signé une pétition. Ça peut être accompagné d'autres choses. On peut aller dans la rue, effectivement, on peut boycotter ou autre. Mais c'est quand même une forme d'engagement là, dans l'exemple citoyen, qui est assez intéressant, puisqu'en fait, c'est un engagement qui ne demande pas non plus un temps d'attention élevé, mais qui permet effectivement de participer à quelque chose sans avoir à sortir de chez soi ou manifester, parce que des fois, on n'a pas les moyens, le temps ou autre. Avec toutes les difficultés de reconstruire une réputation qui a été très abîmée auparavant. En fait, c'est là où est la question assez intéressante, c'est-à-dire que construire une réputation, dans le fond, en ligne, ça a peu de sens, parce que au final, je pourrais jamais savoir ce qu'il y a dans vos têtes, je pourrais jamais influer directement sur vos représentations d'un événement, d'une entreprise ou autre. Par contre, sur le web, si vous voulez, la plupart des plateformes qu'on utilise ont réussi à mettre en place un système d'évaluation, et c'est ça, jouer en fait sur sa réputation, c'est réussir à avoir le maximum d'étoiles sur c'est un ça. Site de... Il y a des clés, hein. Avoir une meilleure réputation, en tout cas sur le web. Hein. Alors en fait, en tout cas, c'est ce que vendent beaucoup de prestataires. Ouais. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un phénomène, alors pas la réputation, mais on va dire l'application web qui est assez récent, on va mettre ça dans une dizaine d'années. Et pourtant, voilà, tout est déjà normé, on vous dit qu'il faut passer par telle et telle étape. Et là, on est plus dans des questions de visibilité, c'est-à-dire d'adéquation ce qui marche sur les plateformes. Et avec le reste de la communauté aussi. Hein. Et avec le reste de la communauté, dans des groupes d'individus. C'est plutôt là, moi je trouve que le point est intéressant. Dans les clés que vous donnez, c'est écouter les internautes, produire et diffuser du contenu, écouter les internautes, et puis construire et gérer des communautés. Ça, ce sont des clés pour essayer Ça, c'est ce que font les professionnels de la question, en fait. Moi, j'aurais plus tendance à dire, ce qui est important, en fait, c'est, dans la réputation de manière générale, c'est de se dire qu'on peut se voir par le regard des autres. Mmh. Et j'ai une analogie qui est un peu, en veille de vacances. L'habit fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans l'abbaye. La question, c'est un peu de comprendre les dress codes des publics vers lesquels on veut s'adresser et s'apercevoir voir qu'on peut... Et là, l'impact est beaucoup plus fort. Hein. Effectivement. Claire Nouvian et puis Clémentine Bacry qui souhaite intervenir également. Et alors, moi, je dirais, ma grande recommandation, c'est surtout faire le job en termes de sincérité, juste faire do the right thing, comme on dit, juste faire ce qu'il faut faire. C'est quand même le meilleur pour les marques. C'est une émission bilingue aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais non, mais en fait, après, je pense qu'il y a un côté Nike, on a tous do the right thing, tout le monde connaît. Quoi. Mais en fait, c'est genre juste faire ce qu'il faut, parce qu'en fait, les marques, c'est hallucinant. Nous, on interagit avec des marques qui sont là, comment est-ce qu'on va manager notre réputation, machin truc, mais on va dire, mais juste faites ce qu'il faut, avec sincérité, visez loin, visez haut, et vous allez voir, ça va être magique, tout va bien se passer, les gens sont quand même pas des abrutis complets, ils sont capables de lire une information, de comprendre si vous les prenez pour des chèvres, donc voilà, faites ce qu'il faut, et vous allez voir, ça va bien se passer, votre réputation, c'est quand même pas si compliqué. La recette de Claire Nouvian. Non, je veux dire que par rapport à pas mal d'organisations, c'est effectivement un déficit de stratégie et de vision, même à moyen terme. Hein. Aujourd'hui, le web, c'est plutôt vu comme quelque chose qui va permettre l'immédiateté, des choses éphémères, etc. Il n'y a pas cette idée encore de construire entre guillemets à plus moyen ou long terme. D'ailleurs, ça s'est vu avec l'enseigne de supermarché par rapport à la campagne qui, je crois, un an plus tard avait renoncé aux engagements qu'ils avaient pris parce qu'on reste toujours dans cette idée, c'est éphémère, ça va vite, alors je vais faire l'action qu'il faut au bon moment et après on va laisser tomber. Clémentine Bacry. C'était pour aller dans ton sens. Moi, j'ai pris conscience. On se tutoie en plus à l'antenne maintenant. Pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'on se connaît pas en même temps. On peut se tutoyer, c'est bientôt les vacances, il n'y a pas de souci. C'est pour aller dans votre sens. Moi, j'ai découvert assez tard la notion d'irréputation. Je pensais que c'était quelque chose qui s'intéressait uniquement aux grosses enseignes, que c'était les grosses entreprises dont on parle là, qui étaient intéressées par cette question. Sauf qu'en fait, nous, on a découvert à notre échelle de toutes petites ONG qui se contentent simplement d'agir et pas tellement de se préoccuper de ce qu'on dit sur elles. Il y a eu beaucoup de sponsors potentiels qu'on a contactés, qui nous ont demandé combien on avait de likes, combien on avait de followers. Et donc, c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, effectivement, fallait aussi qu'on commence à s'en préoccuper et à activer ce genre de choses. Donc, c'est même au niveau des toutes petites ONG, ça a un vrai impact en fait. Et même au niveau des individus, hein, parce que au niveau des individus, des médias aussi. Hein, et c'est vrai qu'il y a cette question qui est très quantitative, parce que moi, c'est ce que je souligne pas mal dans mon bouquin, c'est-à-dire qu'on a surtout des éléments visuels. Hein, effectivement, on voit les likes, on voit les étoiles. Après, ce qui manque aujourd'hui, et tant mieux pour vous si vous permet d'avoir des sponsors, c'est la question fait un peu le déficit du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière un like? Qu'est-ce qu'on met derrière une étoile mi? Qu'est-ce qu'on met derrière une opinion? Toujours les mêmes problèmes de représentativité liés aux études d'opinion. Hein. Qui sont les gens qui vont soutenir ou pas telle ou telle cause ou autre? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu, et beaucoup d'études le montrent, hein, une vraie focalisation, voire un outil de gouvernance économique. De dire, voilà, je vais décider de financer telle ONG et pas telle autre parce que celle-ci est plus visible et je pourrais profiter de sa visibilité, de sa réputation ou autre. Et c'est voilà, ça qui m'intéresse, ce non-objet qui peut être un outil de gouvernance économique ou même associatif. Allez, Claire Nouvian, pour terminer. Oui, non, mais en fait, typiquement, on a vu aussi que avoir un écho d'un point de vue réputationnel, c'est quand même toute une pensée. Parce que nous, comme on a fait les choses avec sincérité en travaillant en un tout le long, on a eu un succès incroyable par Pénélope Bagieu, qui a été notre gatekeeper. Donc, c'est par là que les gens sont arrivés. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, un merci. Gatekeeper. J'ai rien dit. Non, mais j'ai vu, genre, on parle pas. Mais oui, mais quand même, ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai qu'en effet, elle est gardienne de site. Donc, le trafic a été généré. Mais on a complètement raté notre coup, c'est-à-dire que personne n'a associé Pénélope Bagieu à Bloom. Donc, on continue à avoir très peu de financement, on continue à ramer comme... Et on voit bien qu'en fait, la transformation, quand on a une visibilité accrue à un moment donné, en fait, il faut des pros derrière pour transformer l'essai. Et nous, on a été archi nuls de ce point de vue-là. Bon, donc le marketing, c'est pas... Nous, on fait le job, mais par contre, le marketing, on sait pas faire. Donc, on va prendre vos conseils. Allez, Adrien Normie, très vite. Une dernière question, quelle est la part du flan là-dedans? Parce que les étoiles, tout ça, c'est super, mais... confronté au développement d'un petit site web humble, les likes, ça s'achète via Tor, via tout ce qu'on veut, pas cher en plus, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça. Alors, il y a effectivement des fois des abus, des faux commentaires, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils construisent une norme, c'est pour éviter, pour pouvoir repérer ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, de ce que je vois, même si effectivement, on va dire une forme de marché parallèle du like, hein, on pourrait dire ça comme ça, on est encore très loin d'un ensemble de choses, on va dire, pipotées, et généralement, c'est que les individus aiment s'exprimer et profitent du web pour s'exprimer sur certains sujets, même si effectivement il y a toujours des abus possibles. Allez, Camille Allouin, e-réputation, médiation, calcul, émotion, c'est aux éditions du CNRS. Merci. Nathalie Darama, rédactrice en chef de Genius Science. Je dis en français, hein, parce que Claire Nouvian oui. dirait Genius Science. Premier numéro de ce nouveau magazine scientifique qui est en kiosque. Vous travaillez avec les Anglais quand même. Oui, tout à fait. Mais donc le magazine est adapté, mais enrichi hein, par rapport à la version anglaise BBC Focus Science. Donc on a une version enrichie avec un nombre de pages plus important. Et on traite notamment un éventail de sujets beaucoup plus large que la version d'origine. Donc, c'est pas une simple traduction des articles anglais ? Non, tout à fait. On enrichit en plus en rajoutant les sources des articles anglais. Ce que ne font pas les Anglais, ce que ne fait pas la version d'origine, pour le coup. C'est culotté toujours hein, d'arriver dans le paysage actuel avec un nouveau magazine papier. Tout à fait. On a une approche complémentaire hein, des magazines existants et on a vraiment un angle plus décalé, un ton plus ludique, une approche vraiment plus visuelle aussi. On a une mise en page très visuelle, très colorée, avec des visuels vraiment très étonnants et une maquette plus immersive pour rentrer dans le sujet de manière très facile et que la lecture soit fluide. La chasse aux aliens est ouverte pour ce premier numéro. C'est ce que vous avez mis en couverture au cœur de la mission à 100 millions de dollars de Stephen Hawking. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission il n'y a pas très longtemps. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend la question des extraterrestres très au sérieux. Très au sérieux, tout à fait. Oui, l'objectif, c'est de répondre enfin à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est vrai. Et tout à fait. Et les premières données qui sont en ligne là depuis avril 2016. Et les internautes sont, et tout un chacun est invité même à analyser ces données parce que bien évidemment, elles sont très nombreuses et donc il faut du monde pour analyser tout ça. Ouais, donc c'est de la vulgarisation. Et est-ce qu'on se pose aujourd'hui, quand on monte une équipe comme ça pour un magazine papier, est-ce qu'on se pose la question du numérique aussi directement ou pas? Oui, tout à fait. C'est on vrai s'embarque que facilement dans un projet pareil. C'est vrai que ce serait possible. Après, en effet, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Donc pour le moment, voilà, on est présent sur Facebook. En effet, les réseaux sociaux sont aussi là pour faire parler du magazine. Avec des infos en France aussi, avec un agenda. Tout à fait. La rubrique Sortez votre science qui propose de découvrir les expositions culturelles, les expositions, les livres à découvrir dans les mois à venir. Et je tiens même à préciser que même si vous n'allez pas à l'exposition parce qu'elle n'est pas dans votre ville, vous apprendrez quand même quelque chose en lisant cette rubrique. Merci beaucoup. En tout cas, on signale donc l'arrivée dans les kiosques de Genius Science. C'est le numéro 1 avec la chasse aux aliens, la réalité virtuelle, le nouveau remède sur les venins, etc. Tout à fait. Et on s'adresse aussi bien aux néophytes collecteurs avectis et aux femmes aussi. Merci beaucoup, en tout cas à tous. C'est terminé pour cette saison de Tête au Carré. Je voudrais remercier chaleureusement toute l'équipe de l'émission qui a œuvré chaque jour pour mettre la science dans les bonnes ondes. Bonnes vacances donc à Stéphanie Texier, à Lucie Sarfati et à Axel Villard. Et puis un salut tout particulier à Emmanuel Fournier qui a passé cette année avec nous et qui s'envole vers de nouvelles émissions. Emmanuel, merci beaucoup à toi. Moi, j'ai le droit de la tutoyer. Je te souhaite de trouver un bel espace radiophonique où nourrir ta curiosité. Merci de nous avoir accompagnés. La Tête au Carré s'arrête donc pendant 2 mois d'été. Et attention, parce qu'on se retrouve le 4 septembre pour fêter ensemble les 10 ans de l'émission. On a hâte de fêter ça avec vous tout au long de l'année. D'ici là, très bonnes vacances. Reposez-vous bien et à bientôt.